Alexis, combien de temps a duré l'entre-deux-guerres en France? Oula. Oh putain, alors là, c'est parti les soustractions. Alors, 19. Oh non. 21, 22, oh non. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39. 11 ans. Je suis désolé d'aller te perdre dans les chiffres. 21 ans, Alexis. Ah, oui, 39 moins 18.